just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Woo! Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with the toy on Christmas Day. I just want you for my home, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Et oui, ça sent Noël. You, baby. Oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. And I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for Sandy. I won't even say goodbye to those magic greeters. I just want to hurt tonight. Holding on to me so tight. What more can I do? Baby, all I want for Christmas is you. So brightly everywhere, and the sound of children's laughter in the air, and everyone is singing. I hear the sleigh bells ringing. Send the one to bring me the one I need. Won't you please, baby, don't you do me in? Oh, I don't want a lot for Christmas. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my home, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh baby, all I want for Christmas is Christmas is you, baby. All I want for Christmas is you, baby. Hey! Woo! Ok Google, quelle est la meilleure émission? C'est Sbazi Radio tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur hashtag. Bonsoir, il est 18h07, on est déjà en retard, c'est fou. Eh oui, c'était notre petite entrée tout en Noël. C'était en notre fait. Petite surprise du soir, hop, on se Parce met dans l'ambiance Noël. De Noël. Nous sommes le 20, j'allais dire le 2 décembre, mais non. Non, c'est la tout. Semaine prochaine, on va on se est calmer. Le 25 novembre et on avait déjà envie en fait. Ouais, bon voilà. Alors, vous avez parlé. On avait déjà envie de se mettre dans l'ambiance, tout ça, tout ça. Oui. Et du coup, nous voilà. Oui. Alors, on vous aime et s'il vous plaît, respectez nos oreilles. Bon, il n'y a pas de soucis. Mais c'était une surprise, oh là là. Oh là là. Bon, bah, est-ce que vous avez aimé notre surprise? Bravo, bah, merci beaucoup. Bon, vous n'avez pas l'air d'avoir trop aimé notre surprise, mais... On a réussi la surprise. Mais voilà, donc on s'est mis dans l'ambiance de Noël. Il y a quelques petites décos de Noël déjà ici. On a mis les couleurs. Je vais mettre le rouge. Il y a un Père Noël pendu. Je vais mettre la lumière rouge. Rouge, c'est Noël. La lumière, voilà. Waouh. Donc, c'est voilà. Sympa tout plein. Voilà. On est bien là. Voilà. Ce soir, eh ben, on le va faire comme d'habitude. Ouais, on va finir par le n'oubliez pas les paroles, évidemment. Voilà. Juste avant, il y a... le moment thème, blabla, voilà. L'instant blabla. On va parler un peu de tout ce qui s'est passé cette semaine, on n'a pas vraiment de thème particulier. Voilà, c'est ça. On aura les journées mondiales aussi. Et la Minute Ariana. Voilà, ma petite Minute Ariana. Et on commencera avec les coups de cœur, coups de gueule. Mais juste avant, on répète comme d'habitude, il y a les podcasts qui sont dispo gratuitement sur Google Podcast et Spotify. Voilà, les replays des autres émissions. Allez voilà. Les écouter. Il y a le compte Insta où on vous met des petites stories de temps en temps. Oui, d'ailleurs, pourquoi on mettrait... Oh, il reste plus de cookies. S'il en reste 3. Bah, tu les mettras en story pour les montrer quand même, parce qu'on est quand même des gros bouffeurs ici. Ça va, je les mettrai. On mange chaque mois... Si vous voulez voir les cookies, allez sur la story d'Instagram. Chaque mois, on mange beaucoup trop de trucs. Évidemment, on a le compte Twitter aussi. Voilà, est-ce que ça s'affiche là ou pas ? C'est affiché déjà. C'est affiché en bas, voilà, en bas à droite. Comme pour vous Twitter. Avez vu, on a mis les logos Noël. Et en bas à gauche pour Instagram. Super. Donc, on a mis les logos Noël. Donc, est-ce que vous les aimez ? Voilà, dites-nous. Vous verrez après, il y aura les petites miniatures Noël et tout ça. Donc, voilà. Ça va arriver petit à petit. Tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ce soir aussi? On les voit pas, les cookies. Oui, j'ai mis le flash, ça marche pas. Elle essaie de prendre en photo les cookies, c'est un carnage. Ah. Wow. Esther qui met des cookies en story. Allez voir alors, dans on a la tout, story. Hein, est-ce ça. Qu'on a tout mangé? Il en reste 4. Voilà, on s'est tout mangé à 2 quasiment. Il y a le sondage pour la spéciale de la semaine prochaine. Est-ce que on fera une spéciale 2010 ou il y aura, attention, je compte mes boutons pour savoir lequel c'est, pour ne pas faire de bêtises, une spéciale 2010 où il y aura... Il y aura quoi ? Mister Saxobeat. Ça date, cette chanson ? C'est 2010. 2010. C'est vieux. Ou alors, en 2011, qu'est-ce qu'il y aura ? En 2011, alors attends, hop, faut que je trouve mes petits boutons, c'est compliqué, papa, si tu passes par là, tu sais. Il est là, il a dit salut les gourmands. Des... Salut, voilà. Il faut acheter la petite table, évidemment. En 2011, on a ça. David Guetta. Donc, allez voter dans le petit en haut à votre Faut voter en haut à droite, oui, c'est ça, dans le petit, je viens de le dire à l'instant. Vous pouvez changer à tout moment de vote, mais voilà. Voilà, selon vos préférences, et on fera le point un peu à tout moment de l'émission quand l'envie nous viendra. Voilà. En attendant, on va s'écouter une petite musique déjà. Oui. Beaucoup trop de musique. Non, je rigole. Ça ira mieux. Ouais, de quelqu'un. Et pendant cette musique, n'hésitez pas à nous dire vos coups de cœur, coups de gueule de la semaine. Oui, allez-y. On est là, on est ensemble. C'est la bonne humeur, la bonne ambiance, la joie. Est-ce que j'en fais pas trop ? Si. Totalement. Allez, à tout de suite. C'est... à tout de suite. Quelqu'un, ça ira mieux, c'est tout de suite. On se retrouve juste après pour les coups de cœur, coups de gueule. N'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Ça ira mieux. Yes. Ah, pourquoi ? Ah ! Mince, on a été spoilé. On a spoilé la prochaine chanson. Désolé. Évidemment, il fallait que ça arrive. Un petit pépin technique, comme c'est dirait quoi, Nico gros. Saliagas. Est-ce que je me prends trop pour Nico Saliagas ? Totalement. Pas grave. Les coups de cœur, coups de gueule de la semaine, c'est tout de suite. Commence par ton coup de gueule. Vas-y Hugo. C'est parti parce que moi je gueule aujourd'hui. Gueule. Non, je m'énerve. Non. Hier, non. Oui, c'est ça, c'est hier. On était samedi hier. Déjà, j'oublie quel jour on est. C'est mauvais. Oh là là. Et il nous reste encore 4 semaines avant les vacances. C'est encore plus mauvais. Hier, il y avait les manifestations. Bon, mais des gilets jaunes, tout ça, on l'a bien vu. Oui, hein. Oui. Mais ce que j'aime. Alors, je suis bien d'accord qu'ils fassent leurs petites manifestations, tout ça. Mais défoncer les Champs-Élysées, pourquoi je prends un accent marseillais, pas savoir. Mais défoncer tous les Champs-Élysées, ouais, en plus, accent marseillais quand je parle de Paris. Enfin bref, quand c'est pour défoncer les Champs-Élysées, tout ça, bon, voilà quoi, c'est pas. Surtout qu'en plus, ils sont cons parce que c'est eux qui payent. Bah oui, donc c'est nos impôts qui payent, ouais. Donc c'est totalement débile quoi. oui. Donc ils se plaignent de trop payer, mais après s'ils défoncent tout, ils vont devoir payer encore plus cher parce que forcément ils vont devoir augmenter les impôts, parce que plus il y a de casse, plus il va falloir réparer, donc plus les impôts vont augmenter, donc plus on va gueuler. Eh oui. Et donc plus ils vont casser. C'est, donc, voilà. C'est un cercle vicieux tout ça. Voilà. Non mais voilà. Donc c'était pas la joie quoi hein. Maintenant en plus Anne Hidalgo, tu sais, c'est la maire de Paris, oui, elle a mis un tweet: venez profiter des illuminations aux Champs-Élysées, tout ça, hier soir vers 17h. Ah ouais. Ben, très belles illuminations hein. Waouh. Wow. Ouais, wow, les ouais. Beaux gyrophares, tout ça, les flammes, waouh, ça change hein. Eh oui. Qu'est-ce que t'as eu comme coup de cœur, coup de gueule cette semaine, Esther? Coup de gueule, bah, c'est aujourd'hui, c'est les, bon, en fait, les 17 ans des Spice. Les Total Spice, j'ai failli regarder ça cette nuit. Ah bon, bah voilà. Mais ah, attends, en fait, ça a planté. 17 ans. Attends, ça a planté. Merde. C'est bon. Je sais pas si vous m'avez entendu, ça avait coupé. Donc, je évidemment. En fait, les 17 ans des Total Spice aujourd'hui, donc en fait, bah, on est vieux en fait. Totalement. Et 17 ans, c'est. Enfin bref, voilà. Mais moi, j'aime trop les Total Spice. Moi, je m'identifie à Clover. Voilà, je l'aimais trop, elle me faisait trop rire. Du coup, j'étais Clover. Alors, je n'ai jamais regardé une seule fois les Total Spice. Oh bah, jamais. Tu manques un truc, quoi. Bah, jamais. Tu manques un truc, quoi. Par contre, tu dis qu'elles ont 17 ans, mais tu n'en as pas 17. Mais tu n'en as pas 17. Ça veut dire, non, mais ça... oui, mais. Ça veut dire que ça a été créé avant notre naissance. Ça existe en toujours. On regarde toujours. Bah ouais. Ouais, ça passe toujours, genre. Non, franchement, j'aime trop, moi. Dites-moi. Oh là, dites-moi. Parle français. Quand vous regardez, si vous regardez les Total Spice, dis-moi lesquels bah, vous étiez en fait. Genre lesquels que. Quand vous étiez. C'est hyper français. Si vous regardez. C'est hyper français. Si vous regardez les Total Spice, dites-moi quels vous étiez. Non, lesquels. Genre laquelle vous étiez. Parce qu'on était. Vous tous, étiez déjà. Vous étiez. Oh là là. Petite leçon de français. Hein. Ouais. Bon, bref. Voilà. Putain, vas-y avec ton coup de cœur, Hugo. Les Total... J'ai pas vraiment de coup de cœur cette semaine. Ah bon, bah alors c'est triste. Ma semaine est triste. Est-ce que, attendez, est-ce qu'on a des. Ouais, la semaine elle est un petit peu. Tu préférais. Oui, je préfère largement les Winx, mais là on parle des Total Spice. C'est voilà. Pas les gilets jaunes qui ont tout cassé, mais des. Oui, voilà, c'est ça, mais bon. Mais des casseurs qui sont venus des banlieues. Ah bon? Des casse-cou. Non, on va pas être vulgaire. Non, c'est pas des bien. Gilets jaunes, maman. Non, mais il y a des casseurs qui viennent se foutre dans le milieu parce que dès qu'il y a une manifestation, forcément, ouais, ouais. Ils sont, on va dire, à couvert, entre guillemets. Ouais. Donc, bon. Bah alors, moi. Après, nous, on est tranquille dans notre petite cambrousse. Il se passe rien. Jamais rien. Il se passe pas grand-chose. Non. Alors, moi, mon petit coup de cœur, bah, c'était la manifestation qui a eu vendredi 23 novembre. Qui a été genre la manifestation contre la violence faite aux femmes. Donc voilà. C'était genre, où c'était à Paris. Je n'avais pas vu. Ouais, et voilà, juste pour vous rappeler quelques petits chiffres. Une femme meurt tous les 3 jours de violence conjugale. Et en moyenne, un viol se passe toutes les 7 minutes. Voilà, c'était les petits chiffres de la semaine avec Esther. Les petites statistiques d'Esther, retrouvez-la tous les dimanches soirs pour sa minute écho. Oui, mais c'est pas mes coups de cœur, hein, les chiffres. Mes coups de cœur, c'est la manifestation. Heureusement. Oui, heureusement. Ce serait inquiétant. Je ne raconte pas la fois ce où serait inquiétant. Au cinéma pour voir le film Les Wings. Oui, bah, elle m'avait emmené au cinéma pour aller voir le film Les Wings, et c'est tout. Les mais on parle pas des Wings, là. Tu sais que depuis tout à l'heure, quand tu dis ça, je pense aux Wings. Les trucs de poulet, ah, là. Non, t'as vraiment faim. Mais en plus, il y avait une pub McDo où on disait les Wings. Enfin, bon, bref. Ouais, on va pas partir dans un débat j'ai de McDo. Elle était pas mal. Je alors, l'aimais bien. Alors, tout de suite, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la minute, la quoi? Attention, il y a la minute, Ariana. Pourquoi je prends un accent? Je sais pas. Allez, hop. Ah, ben, il est pas parti, le jingle. Oh, merde. Mince. C'est totalement foiré. Qu'est-ce que tu fais? Je ne contrôle plus la situation. Ça va pas. Picking up. Alors. Elle est toujours en train de chanter. Ah oui, mais j'aime trop. Toujours bref. En train de chanter. Et donc, oh. Comme vous le savez, l'année dernière fois, je parlais de Thank You Next qui avait battu des records. Mais là, je parle encore de Thank You Next parce que le clip de Thank You Next arrive bientôt. Wow, on n'a pas encore, on ne sait pas quand, mais elle nous tease. On ne sait pas quand ni comment. Elle nous spill the tea, comme on dit. Donc, en gros, elle va faire un clip musical. Tu regardes? Non, je regardais les commentaires. Ah oui. Elle va faire un clip sur 4 films cultes des années 2000. Donc, dis-moi, Hugo, si tu les connais. Donc, déjà, Lolita Malgré Moi, est-ce que tu connais ce film? Le nom, peut-être, ouais. Tu m'as dit des années 90, c'est ça, non? Non, des années 2000. Des années 2000, d'accord, j'écoute 2000, à moitié. 2010, j'en sais rien, mais en tout cas, j'écoute à moitié ce qu'on me dit. Et Thank You Next, ça va être sur ce thème. Donc, Lolita Malgré Moi, donc en anglais, c'est Mean Girls. Ensuite, il y a American Girls. Je ne connais pas. C'est des Pump-Up Girls. Ouais, je ne connais pas. Ensuite, et American Girls en anglais, le titre c'est. Attends. Alors là. Bah alors là, Thank You Next. De quoi? Ah bah oui, le titre en anglais. Oh là là, mais faut préparer un petit peu. J'avais préparé, mais. Ah, c'est Bring It On. Voilà. En yes. anglais, donc American Girl, c'est Bring It On. Ensuite, La Revanche d'une Blonde. Je sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Non, c'est ça, Legally Blonde en anglais. Et 30 ans sinon rien. Je sais pas si tu connais. Non plus. Bon, là, c'est 13 Going On. 13. Ça montre ma grosse culture cinématographique. Waouh! Et en gros, ça, tu vois, c'est des films un peu américains avec des femmes contre leur ex, on s'en fout, nanani. Ouais. Du coup, Thank You Next, ça parle de ça. Donc, en gros, elle va être déguisée en ça, va faire des références aux films cultes comme ça. Donc, bah, super en fait. Ouais. Moi, je dis, on stan. Je pourrais me la péter quand je verrai le clip. Sérieuse, Esther, elle a dit quand il sortait. Non, elle a pas dit, elle a dit soon. Soon. Ce et qui veut soon, dire. Pour ce qui Ariana, veut dire quoi ça veut dire dans 10 jours ou moins. Ah, dans 10 jours ou moins. Elle a dit qu'elle va tout faire pour qu'il sorte vendredi. Quand est-ce qu'elle l'a dit? Comment ça j'ai raté? Bah, elle a dit quand? Attends, n'importe quoi bah, elle là. Elle a dit quand? Vas-y, viens faire la mythe Ariana à ma place alors si tu me critiques. Oh. Je suis choqué, déçu. Tu ne savais pas que ça allait sortir vendredi? Mais non. Bah, je sais pas moi non plus. Hein. Bah ouais, non mais oui, normal, tu saches pas. Bah ouais. Bah dis-moi où elle l'a dit, quand est-ce qu'elle l'a dit, Kelly, et voilà, bref. Voilà, c'était ma Mintarian, tu peux remettre le jingle. Le jingle de femme. Le jingle de femme. Picking in love. Alors tout de suite c'est le moment blabla de la semaine. Non c'est pas le moment blabla. Il y a écrit quoi juste avant blabla? Il y a blabla. Écrit annonce blabla. Qu'est-ce eh que oui. je suis bête. Alors qu'est-ce que vous c'est l'instant blabla qui va arriver juste après les journées mondiales. Juste après une petite musique. On l'a dit pas encore. De toute façon non, ils la savent déjà pas. Oui ils la savent. Mais attends je... Vas-y, tu veux dire quoi? Je voulais répondre aux commentaires. Ah oui, bah attends, avant de répondre aux commentaires. Donc, dites-nous ce qui s'est passé dans votre semaine, ce que vous avez envie de raconter. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vous êtes là, détendu. C'est The Basie Radio. Lis les petits commentaires, Esther. Petit alors, instant commentaire. Si elle l'a dit en retard sur Twitter, mais je ne m'en souviens pas qu'elle l'ait dit sur Twitter. Pourtant, moi, j'ai Twitter. Bah, envoie-moi le truc. Comment coup, ça? Et... Attendez, on a un flash info là, je crois. Alors Ariana va sortir un clip, c'est ça? Vendredi. Donc soyez tous au rendez-vous, mais moi je savais pas. Bon, de toute façon, j'en parlerai à la prochaine Mythe Ariana. Quoique non, parce qu'en fait, et non, ce, là sera pour ce sera une spéciale année 2010 ou 2011. On ne sait pas encore. Voter dans la petite fiche en haut à droite. Et comme par hasard, 2010-2011, ça sortait rien. Je pourrais pas faire une Mythe Ariana. Bon, ah. Ensuite, engueule pas Kelly, c'est sa fête aujourd'hui. Bon, c'est la Saint Kelly. Alors dites tous en commentaire, bonne fête Kelly. Bonne voilà. fête Kelly. Voilà, bon bah c'est tout, bah annonce blabla. Ben voilà, donc voilà. Dites-nous ce que vous avez fait cette semaine, ce que vous avez, ce qui s'est passé dans votre vie, s'il s'est voilà. passé un truc une monumental, un truc de fou furieux, on ne sait ou pas. Même pas. Si c'est rien on ne sait jamais, vous. On va discuter un petit peu, genre il y a la Thanksgiving qui était aux États-Unis, enfin on va en parler de tout ça. Voilà. Même vous pouvez nous parler des gilets jaunes si vous en avez l'envie. Oui, ben oui, parlez-nous si vous avez des anecdotes avec... Flash info aussi, c'est la Pologne qui vient de gagner l'Eurovision Junior à l'instant. Bon bah super. Bah super. Voilà, c'était la et ben on revient juste après Beyoncé et Jay-Z. Crazy One in... Non, c'est Crazy, Crazy in Love. Love. Oulala. Énorme. On passe aux journées mondiales. Avant. Ah, avant, vas-y. Allez voter dans le i en haut à droite pour l'année qu'on va faire la semaine droite pour l'année qu'on va faire la semaine prochaine. 2010 ou 2011, est-ce qu'on... Oh, on va remettre... Des petits extraits des chansons. Allez, on remet les extraits. Qui, si vous choisissez 2010, il y aura ça. Ah, ça c'était bien. What If By Night, ouais. Section d'assaut. Alors. On a préparé cette fois-ci, c'est étonnant. On a mis des petits extraits et tout. Oui, oui. C'est étonnant. Quelquefois ça. Moi-même, je m'étonne. Soi. C'est fou. Hey oh on et va... si on choisit 2011, qu'est-ce qu'on a, Hugo? Oh, on aura une de mes chansons préférées de toute ma vie. Yeah, woo, et les MFAO parti rock à thème. Check down. Voilà, ça c'est pour l'année 2011, voté voilà. Dans les 2010, petites 2011. Fiches en haut à voilà, droite. Petits, voilà. Et on passe du coup aux journées journée mondiale de mondiale. La petite trompette des journées mondiales, habituellement. Hein. Alors, oulala, qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche à l'ordinateur, c'est elle touche à l'ordinateur, ça va pas. Alerte. Alors, tu veux dire lundi? Ah, celle-là, je l'ai dit. Ça, c'est ma journée. Lundi, c'était la journée de quoi, Hugo? C'était la journée mondiale des toilettes. La journée du go. Non, peut-être pas c'est quand ce même. Que tu viens de dire. Ouais, c'est ma journée. La World Toilet Day. C'est, en voilà. Fait, c'est tous les 19 novembre. Hein. Wow. Voilà, elle est là. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais écoute. C'est en fait, si, je vais t'expliquer. Vas-y. Donc, c'est depuis 2001 et il y a une organisation mondiale qui s'en occupe. Ouais. Parce que sur Terre, il y a encore 2,4 milliards d'individus, donc de gens, ouais. Qui vivent encore sans toilettes. 2 milliards ? Non, 2,4 milliards, oui, attention. C'est encore 2 milliards. Ouais, un peu plus. Oui, mais et sachant qu'on est 7 milliards et un peu plus, ça représente énormément en fait. Ben, c'est problématique. Hein. Ouais. Bon, après, ouais. C'est peu de dire qu'il y a urgence. Après, s'ils ont à manger, déjà c'est pas mal. Parce que, bon, je veux dire, ouais. Avoir des toilettes, c'est un peu moins important que manger. Parce que, bon, sinon, faire tes besoins, tu peux les faire partout. Quoi. Ouais, ouais. Tu fais comme les chiens. Hein. Les chiens, ils ont pas de toilettes. Hein. Sauf quand t'arrives à les dresser. Et d'ailleurs, avec tout ça. Une info caca est arrivée. C'est la petite info caca. Vas-y, prends ton info caca. Ah, mais ça, j'en suis fier. C'est maman qui me l'a montré, qui l'a trouvé. On en était fier de cette info. On peut gagner 50 euros en donnant du caca. Son caca. Son caca à nous, en faisant un don de caca. Non. C'est... Explique. Et un peu de culture générale dans cette émission, ça ne fait pas de mal. Donc, en fait, on peut tout simplement faire des dons. De son caca à un hôpital à Paris, donc c'est l'hôpital Saint-Antoine. Donc ils avaient mis une petite affiche pour qu'il y ait des volontaires pour donner leur caca et chacun ils étaient rémunérés 50 euros. Donc 50 euros c'est quand même pas mal juste pour aller aux toilettes. Hein. Bah grave. Hein. Et donc du coup, les conditions si vous souhaitez évidemment y aller, hein, il faut être âgé de 18 ans à 49 ans, ce qui n'est pas notre cas. Ouais, non. Et être affilié à un régime de sécurité sociale française. C'est quoi ça? C'est dire quoi? Faut être à la sécurité sociale française quoi. Et ne pas suivre de traitement sauf contraception. Okay. Voilà. Donc en fait, c'était une petite affichette qu'ils avaient mis à l'hôpital et après ils l'ont posté sur le groupe Facebook Wanted Community Paris. Et du coup, ça fait une émeute quoi. ça a été. Rechercher en fait avec c'est pour faire des recherches, je sais plus trop quoi. Enfin, je t'avoue, j'ai pas tout compris moi non plus. Bon. Mais j'ai vu qu'on pouvait gagner des sous en allant aux toilettes donc ça t'a intéressé. Totalement. Bon, on passe à la prochaine journée mondiale, Esther. À toi de jouer. Le mercredi 21, c'était la journée mondiale de la télévision. Donc, chose que nous ne regardons plus. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, qui regarde la télévision à part les plus de 40 ans? Si, attends, ce soir il y a les Tuches 2 sur TF1. Tu vas regarder? Peut-être pas parce que j'aurai le replay de Sbazy Radio à mettre sur Spotify et tout ça. Et c'est du boulot, hein. Ah là là. Pour que vous puissiez l'écouter dans le train en allant à Paris par exemple. Eh oui. Donc, l'UNESCO célèbre le 21 novembre la journée mondiale de la télévision, proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1996 pour encourager les échanges mondiaux de programmes de télé, se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l'amélioration des échanges culturels. En gros, c'est pour partager des émissions qui rendent les gens intelligents. apparemment. Et apparemment. Après, est-ce que ça nous rend vraiment intelligents, les anges, les ch'tis et les Marseillais? Pas sûr. On pourrait s'en passer. Par contre, attendez, il y a un truc avec ces émissions, on se sent hyper intelligent à côté d'eux. Attends, oui, quand ils te clair. Disent que la lune, il y en a deux, bon. Là, un moment, je veux dire, ça va. Alors, hello, chaton, vous voilà. Allez bien? Oui, on va très bien. Miss Pikachu qui dit: moi, je regarde la télé parfois, mais pas beaucoup. Mais en vrai, on regarde beaucoup moins que quand on était petit. Ouais, j'avoue, moi, je passe pas beaucoup de temps à la télé. Hein. Je trouve que le fond sonore est un peu fort par rapport à vos micros, en particulier celui d'Esther. Ah, bah merci. Ah, Esther, on va l'augmenter un petit peu. Ouh! Voilà, là ce sera mieux normalement. Vas-y, parle Esther, attention que je vérifie. Je parle, est-ce que ça va? Bon, papa, hein, tu vois ce qu'il te reste à acheter pour Noël. Hein. Merci de le dire, chaton, parce que personne n'allait le dire. Peut-être qu'après Noël, il y aura des petites évolutions. On vous mettra ça sur Insta et Snap si ça arrive, au cas où. Évidemment, les réseaux sociaux sont affichés sur votre écran. Voilà. Du vent. Alors là, c'est plusieurs journées qui étaient Marseillais trop bien, Bastien dit. Mais les Marseillais, ouais. Bastien, tu regardes les Marseillais, t'as baissé dans mon esprit. Ah oui, attends, je vais te faire l'imitation de Bastien quand il regarde les Marseillais. J'éloigne le micro parce que ça fait du bruit. Aïe! Voilà, il est comme ça devant la télé quand il regarde les Marseillais. Eh ben, quelle imitation. Critique pas les Marseillais, non. J'ai des preuves en plus. Bon, bah ouais. Voilà. On a plusieurs journées mondiales aussi, à partir du vendredi 23 jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'était les journées mondiales de quoi? Je te le donne en mille. Des jeux vidéo. Yes, c'était journée mondiale de vidéo, des jeux vidéo, oulala. Donc en fait, c'est par l'agence française pour le jeu vidéo qui a été créé. Donc c'est allé sur un week-end et pour 2018, donc c'est cool. Du 23 au 25 novembre. Et je sais que par-ci, par-là, il y a des petites conventions des fois, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que des fois, il y avait la Game in Reims là. C'est à Reims. Bon, c'est une convention de jeux vidéo à Reims et c'était ce week-end, donc c'était peut-être ils ont peut-être fait exprès, hein. On ne sait pas. Oula. Oh, il y a tout qui tombe. Esther, qu'est-ce que tu fais? Elle casse tout dans le studio. C'est pas moi, c'est tombé tout seul, je l'ai vu même. Elle s'énerve. Qu'est-ce qu'il y avait comme journée mondiale hier? Alors, samedi, c'est la journée mondiale sans achat. Ce qui ne te représente absolument, absolument pas. Sachant que le vendredi, j'ai fait le Black Friday. En plus. Donc, pour tous ceux qui sont allés faire partie de cette... Attends, quoi? Qui en ont assez de faire partie de cette société de surconsommation. Oulala, elle prend un ton coup de gueule. Un rendez-vous incontournable, la journée sans achat, fêtée chaque année, fin novembre. Et ben, est-ce que j'ai acheté des choses aujourd'hui? Pas le moins du monde. Non, j'ai rien acheté. C'était hier. Ouais, non, mais aujourd'hui, non. Oui, mais c'était hier, la journée mondiale des sans achats. Ah oui, bah hier, j'ai rien acheté. Attends. Mais moi non plus. Ouais, j'ai même pas fait le Black Friday parce que d'une, j'ai pas de sous. Ah, et de deux, bon bah voilà, je regarde même plus. Il y a tellement de promos assez souvent, j'ai la flemme de regarder quoi. Est-ce qu'on fait un petit point commentaire? Vas-y, fais-toi plaisir. Allez, point commentaire. Alors, nanana, tiens, il est là le bourreau des corps, oui, nettement mieux. Ça va, Bastien? Oui, oui, ça va très bien. Ah ah, tu as commandé des micros pour Noël? Hey yo, bref. Non, c'est... Non, tu le fais pas bien. Ayo, c'est... Ayo! Il est taré. Voilà. Bon, et ben moi qui, qui le prenais pour un intello, Bastien. Bastien, un intello, c'est se tromper. Hein. Il viendra vous faire coucou à la fin de l'émission. Voilà, si le termine à l'heure déjà. De Bastien. Oui, elle est placée là à cause de ça, là. Game in. Ah, tu vois, et l'intuition, j'y ai pensé tout à l'heure et pouf, tu vois, je suis intelligent. Ah. Bon, d'ailleurs, j'ai pas fini sur la journée achat. Oui. Oulala, revendicatrice Esther. La journée sans achat, c'est 24 heures de réflexion sur l'impact social, économique et écologique. Putain, j'ai pas fouillé, ça me saoule. Ça aurait été trop cool, bref. Écologique de la consommation des pays riches sur l'ensemble de la planète. N'oublions pas que 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources planétaires. Ça, je crois que je l'avais eu, cette phrase. Je l'ai eu en ETT. En quoi? C'est quoi ETT? C'est une matière. Matière dans ta filière, d'accord. Oui, voilà. Bah, moi, si je faisais ça, le développement durable. Ouais, bah, oui, bah, moi, c'est ça. Donc, moi, c'est ça, ma filière. Donc, bon, bah, voilà. Il y avait eu cette phrase, je m'en souviens. Super. Voilà. Et c'était donc, du coup, cette journée sans achat, elle était foutue, mais pas trop, parce qu'il y avait le Black Friday. Mais. Black Friday. C'est bon, chut. Le Black Friday. Mais il y avait des petits bonhommes jaunes qui bloquaient pour y aller. Ah oui. Du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas dû pouvoir faire d'achat. Le village des marques à Miramar, je sais pas si vous connaissez, c'est dans le sud, c'est connu. Et ben, les gilets jaunes ont bloqué, du coup, c'était bloqué là-bas. Ouais, alors qu'ils faisaient des promotions. Mais après, je sais pas si à pied tu pouvais rentrer, j'en sais rien. Aucune idée. Oulala, revendicatrice Esther, je n'arrive plus à parler. Bonsoir, ah, Freeway. Bonsoir, j'allais dire longtemps. Bonsoir, Freeway. Comme Bilal. Bonsoir, Paris. Bonsoir, Paris. Pardon. Bon, tout de suite, c'est le moment blabla. On passe. On est à l'heure d'une minute en fait. Non, attends, t'es en train de me dire qu'on est à l'heure là. Oui, je suis en train de te dire qu'on est à l'heure alors qu'on a commencé. Tu es en train de me dire qu'on est à l'heure. Je suis en train de te dire qu'on est à l'heure. Flash info. Zbazi Radio sont à l'heure pour la première fois de l'année. De l'année. C'est oui. Une chose à marquer non, là, dans on est vos agendas. De retard. Trop tard. Non mais fais pas gaffe à l'heure là. Pour l'instant, et okay. Il est 40, on a 10 minutes pour discuter, 10 minutes pour n'oublier pas les paroles. Mais évidemment, on va dépasser parce que on est chez nous, on est détente, on est bien, on est tranquillou. Freeway qui dit je vais pas beaucoup parler car je travaille pour mon contrôle de géo. Freeway, on a l'habitude qu'il fasse ses devoirs en même temps que Zbazi Radio. On retient mieux avec Zbazi Radio. Voilà, on te laisse faire ton travail et si t'as envie de réagir, réagis. Et n'oubliez pas de participer au N'oubliez pas les paroles. Qui sera juste après notre moment blabla. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? On va commencer par les États-Unis, après on parlera un alors peu moi, de ce qui s'est passé dans notre semaine. Oui. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez fait pendant cette semaine. Voilà, attends, Thanksgiving, c'était hier ou vendredi ? C'était. Mais ça dépend, regarde, au Canada, c'est pas le même jour. Ah oui. Je vais le dire. Vas-y, lis tout. Alors, Thanksgiving ou l'action de grâce, en fait, l'action. Elle est quand même en train de lire un copier-coller Wikipédia. C'est moi donc, qui l'ai envoyé en plus. En plus. Donc elle aurait pu faire un effort pour être un peu naturelle, mais non, c'est Esther, c'est Zbazi Radio, on fait le travail à moitié. Oui, alors, Thanksgiving, donc l'action de grâce, ça s'appelle comme ça au Canada, et Thanksgiving c'est aux États-Unis. Donc c'est une fête où on célèbre la récolte qu'il y a eu dans l'année, en gros, donc c'est un jour de remerciement en fait pour l'année qui s'est écoulée, et les récoltes et tout, donc ça c'est une vieille fête un peu country. Qu'est-ce que je raconte? Bref. Un peu country. Oui, voilà. Thanksgiving est célébré le deuxième lundi d'octobre au Canada, donc c'était beaucoup plus tôt, où elle est nommée donc, l'action de grâce, et le quatrième jeudi de novembre aux États-Unis, donc c'était ce jeudi-là, et durant la même période de l'année dans d'autres pays. Donc ouais, dans notre pays, en gros, c'est entre octobre, novembre, voilà. Ouais, ça se fête en Allemagne on fête aussi, pas j'ai trop, vu. Nous. Non, nous, en France, pas du tout. Personne ne fait ça. C'est une petite fête de récolte comme oui. Ça. Bon. Bah, bien que Thanksgiving soit issu des traditions religieuses et culturelles... Oh, elle utilise le mot « bien que ». Culturelle. Eh ben, elle est de, bien de... j'en ai marre. Elle est depuis longtemps célébrée comme une fête laïque. Ouais, de base, en fait, elle est religieuse, mais maintenant, même les athées, ouais, ils la fêtent, bon. Donc c'est plutôt une fête laïque, quoi. Ouais, maintenant, c'est la fête des bananes, des pommes et des patates qui poussent. Non, non, non, mais de la dinde. Ah, en fait, bon. Nous, c'est ça équivaut un peu au 25 décembre, quoi. Enfin, le jour de Noël, on mange de la dinde et tout. Là aussi, ils mangent de la dinde, donc c'est un peu... Le 25 novembre, c'est un peu le Thanksgiving de la ouais, France, ouais, c'est... Ouais, donc c'est aujourd'hui. Bah non. T'as dit le 25 novembre. Le 25 décembre, pardon. Ah, voilà. Le 25 décembre. Bah, c'est Noël, le 25 décembre. Oula, j'ai pété la chaise. À Cassou, c'est bon. Elle s'est pris une passion pour tout défoncer. Oh là là. Tant que les gilets jaunes ne bloquent pas le gros bonhomme en rouge, qui est ce gros bonhomme en rouge, Hugo ? Bonne question, le Père Noël. Le Papa Noël, bien sûr. Ouais, mais de toute façon, il faudrait qu'ils volent, là, à ce moment-là, les gilets jaunes. Ils vont pas s'amuser à mettre des avions dans les airs les uns à côté des autres pour ouais, bloquer, totalement. Quoi. Enfin, à un moment, faut arrêter de déconner. Hein. Oui. Évidemment, on sait que c'était alors, une blague. Bérénice qui dit « Maman a voté à 100% 2011 alors que moi 100% 2010. » Donc, vous êtes les seuls qui on ont voté. On nous dit qu'il y a un problème. C'est pas bien ça. Non, c'est en vrai, en réalité, il n'y a pas un problème. Ça met les résultats depuis la dernière fois que vous avez actualisé la page. En gros, nous on a nous on a les résultats finaux avec tous les trucs comptabilisés. Vous, c'est ça se comptabilise pas, c'est bizarre. Voilà. Donc allez, je le répète, allez voter dans le petit pour vas-y. Savoir quelle sera voilà. Notre année prochaine. Qu'est-ce qu'a dit Chaton ? Alors Chaton dit cette semaine, franchement, rien d'exceptionnel. Vas-y, lis-le. J'en ai marre. Cette semaine, franchement, rien d'exceptionnel. Pas mal de sport, ce que je ne fais pas. J'arrive à tenir mon programme, je suis fier de moi. J'ai vu des amis, j'ai fait des premiers. Oh, déjà les cadeaux de Noël. Ah oui, c'est dans un mois pile. Oh, c'est dans un mois tout pile. Ah oui, carrément. Évidemment, la spéciale Noël qui sera le 16 décembre. Voilà. Mais oui, bah, et le sport, parlons-en. Non. Non, en fait, on va éviter. Non. Le sport, voilà. Vous en faites, voilà. Vous arrivez, mais bravo, mais vraiment, je vous félicite. Parce que moi. Moi, je fais de la boxe, mais bon. Tu fais de la boxe, mais pas trop. Mais t'en fais. J'en fais, mais voilà. Je suis sûr, t'arrives à la salle de boxe et tu attends. Oh non, j'en fais. Tu fais des câlins au truc et tu danses, tu fais un petit slow. Oh, tu te mets Thank You Next, après tu lui fais Thank You Next à l'autre et tout. Mais bon, voilà quoi. Tu t'ambiances. Par contre, hier, Gamine Reims rencontre des youtubeurs, acteurs. Donc, moi, hein, je suis un grand youtubeur, vous savez, maintenant. Je connais. Comédien, doublage, chanteur, etc. C'était... Alors, nous, chanteurs, non. Tu y es allé, chaton, ou pas? Ouais, je pense que oui, vous, oui, vous allez. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et Insta, c'est affiché à votre écran. On met plein de petites exclus. Et chaton, merci d'avoir voté. Et chanteur, du coup, ouais, mais nous, est-ce qu'on deviendra chanteur d'après toi, Esther? De quoi? Est-ce qu'on deviendra chanteur? Alors, je pense que la probabilité est à peu près de 0, voire de moins 20. Totalement. On a plus de chances de ne. Ouais, voilà, on a plus de chances de ne. Oui, d'ailleurs. Non, on a plus de chances de percer par malaise. Que par talent. Je pense que oui. D'ailleurs, chaton et Freeway et ben ceux qui viennent d'arriver, vous avez raté notre entrée sur All I Want for Christmas. En fait, on a clairement fait un karaoké. Totalement. C'est pas grave. Mais il sera dispo dans le replay, voilà, sur Spotify, Google Podcast et peut-être sur YouTube, si oui, ce n'est pas bloqué. Comment ça, le 16 décembre, c'est le jour de mon anniversaire, on va avoir un petit problème. Ben non, tant mieux, on te le souhaitera. Mais en fait, si vous voulez, le 23, Esther n'est pas là. Oui, donc, et non, moi je ne sais pas encore si je suis là, donc on ne pouvait pas faire une spéciale Noël. Mais ne vous inquiétez pas, on trouvera un petit truc à faire, même sur les réseaux sociaux, on vous souhaitera des bonnes fêtes, tout ça. Et oui, on se retrouvera le 30 janvier normalement pour une sorte de spécial jour de l'an. Alors on ne sait pas du tout ce qu'on a prévu, on fera un petit karaoké, on pense faire un petit karaoké, vous nous noterez. Ouais. Genre un peu comme un The Voice, mais avec Danse avec les Stars, c'est compliqué, vous nous mettrez une note sur 10. J'explique hyper mal. Ouais. Et il a assez plus comme. Ben non, il a pas assez plus justement. Et tu... papa, pas, je te jure. Plus comme ça aujourd'hui. Tu viens de dire ça. C'est vrai qu'il a plus. Le 30, tu viendras chanter au moins une chanson avec nous. Oh. Oh. Révélation. On essaiera de se faire ça. Mabo au Twitter de Spazier Radio. Ah, ah, ça c'est gentil. Vous pouvez aller faire un petit tour, au pire, oui, vous mettez si un post. Si vous partez pour s'être abonné aux réseaux sociaux et que vous revenez, ça nous fait plaisir. Par contre, si vous êtes parti pour autre chose, ça nous fait pas plaisir. Voilà. Mais abonnez-vous aux petits réseaux sociaux. Choqué, déçu, mais c'est pas grave, je réécoute sur Spotify. Mais oui, ben voilà. C'est là pour ça. Donc oui, normalement, ce sera dispo pour demain matin, comme d'habitude. Voilà. Donc d'ailleurs, voilà, donc la spéciale jour de l'an qui arrivera le 30, on mettra des mu. Enfin, on va faire. Ça va être un peu le bordel, hein, clairement. Oui, oui. Mais écoutez, ça va être comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on alors, avait moi, d'autre moi, cette j'ai semaine un truc à dire. Ah, attendez. Alors, le jeudi, bah, mon lycée, on a fait un blocus. Oui. Donc, en fait, on a ramené des grosses poubelles et tout de tous les quartiers autour pour mettre devant le portail, quoi. Il y avait même des panneaux de signalisation. Bon, bah, super. C'était le bordel. Oui, et c'était vraiment cool. Moi, genre, j'étais en cours, j'observais ça sur Snap. Oui, parce que alors, bah, tous les gens de mon lycée, du coup, ils ont filmé, ils ont mis sur Snap. Et voilà, bah, moi, je me suis mis même sur les poubelles et j'ai crié « Macron, démission !» Donc voilà. Et tu as eu une véritable histoire d'amour avec un objet. Je m'y attendais pas, c'est hyper stylé. C'était. J'ai eu une histoire d'amour. Alors, quelqu'un. Bon, tout le monde ramenait des objets, autres, je sais pas quoi. Et là, d'un coup, je vois quelqu'un avec un caddie jaune fluo qui venait d'Intermarché. Et là, mes yeux, il y avait des cœurs dans les yeux en fait. Je tombe immeuble de ce caddie. T'avais les yeux qui pétillaient, qui brillaient. Non, en fait, genre, je voyais des gens et tout, ils étaient avec et tout. Et je me suis dit, mais il me le faut ce caddie. Et donc genre il y avait quelqu'un qui était juste à côté de moi, j'étais à deux doigts de lui dire est-ce que je peux avoir le caddie s'il te plaît, mais j'ai pas osé. Et puis là d'un coup je vois le caddie seul. Et là je cours vers lui, c'était la musique au ralenti. La musique, je courais au ralenti vers lui. La là, véritable coup, histoire d'amour. Parce qu'en fait on avait, moi et mes copains, donc on faisait le blocus, en gros on n'est pas allé en cours de la journée quoi, on restait là, on militait et tout. Et on avait nos sacs et ils étaient lourds et tout, ils nous gênaient. Et là j'ai pris le caddie. Et ouais, j'ai mis nos sacs dedans. Et je trimballais mes copines. On faisait le tour du lycée. La véritable histoire d'amour. C'était tellement cool. Non, mais franchement, les caddies, c'est un objet du quotidien. Mais c'est hyper sous-coté. C'est tellement J'avoue, bien. C'est tellement bien. J'aime trop. Kiffe ça. Et du coup, j'étais là tout le temps. J'avais mes sacs. Et des fois, genre, il y avait des gens. Genre, quand on était allé manger et tout. Et ben, genre, j'étais partie du caddie. Il y avait des gens, ils l'avaient et tout. Mais j'ai réussi à le récupérer et tout. Bref, au final, tu as passé la journée avec et lui. Et c'était mon caddie. Tout le monde me voyait. J'étais là. Je me travaillais avec un caddie. Il y avait tous les sacs de mes copines dedans et tout. Mais est venu cool. Le moment de la fin de la journée. La fin de la journée, c'était vraiment le pire. Ah, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé quelque chose qu'il ne fallait. Tu as lancé. Ah non, j'ai... Ah d'accord, ok. Ah non, ça a tout gâché. Il y avait un petit bruit avant la musique. Triste. Parce que, évidemment, tu as perdu ton caddie. Alors, j'attends qu'elle commence, cette musique. Oui, oui. Elle commence dans 4... Voilà. Je craque. Alors, bon, alors, donc, mon père, il devait venir me chercher et tout. Et là, je reçois un message, il me dit, je suis là et tout, viens. Et donc là, genre, j'avais encore mon caddie et tout. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que j'en fais? Il me le faut absolument pour demain. Mais oui. Demain, on était vendredi. Oh. Et en fait, il y a une espèce de buisson, enfin un coin d'arbre, un espèce de parc et tout, juste en face de mon lycée. Donc je me suis dit, il faut que je le cache derrière des arbres. Donc je l'ai caché et tout. Bon, je pensais que je l'avais bien caché, c'était hyper mal fait. Et en fait, genre, je me suis retournée, il était là, il me regardait, mais vraiment avec un regard triste. Je vous mettrai. La vidéo sur Insta Story où je disais voilà, et sur Twitter aussi. Oui, je vous la mettrai partout, donc allez vous abonner. Je l'ai filmé, il était vraiment drôle. Comme ça, vous verrez à quoi il ressemble. D'ailleurs, je lui ai même pas donné de nom, mais bon, c'est pas grave. Bref, je lui ai dit au revoir et c'était mon caddie et bye bye. Bon, voilà, bref, je l'ai pas quitté. Et le lendemain, je commence à 9h et je me suis dit non, il y a des gens, ils commencent à 8h. Donc il sera sûrement plus là. Donc j'arrive à 9h et tout, et je le vois dans les mains. Bon, ça va, c'était quelqu'un que je connaissais. Oh. Et je fais Nanani. Je dis son prénom et je le monte du doigt. Je fais Nanani. C'est mon caddie, qu'est-ce que tu fais? Bref, voilà, bon, c'était un peu sur le temps de la rigolade. Mais bref, au final, je suis rentrée en cours et je l'ai plus jamais revu. Voilà. Voilà, c'est l'histoire. C'était émouvant, cette petite histoire. Sandrine, ce blocus, il était énorme. Sandrine qui me demande, il n'y a rien eu à mon lycée. Non, c'était au lycée d'à côté. Après, ils ont fait une manif dans la rue. Moi, j'étais en cours. Et voilà. Non, mais à ton lycée, en début de semaine, il y a eu. Non, non, mais ça n'a rien bloqué du tout. Donc, tu rentrais quand même. Il n'y avait rien devant. Bah, moi non plus. Non, en plus. Il y a des gens, ils pouvaient rentrer, mais moi, je suis pas rentré. Non, mais moi, c'était le mardi. Mais genre, moi, comme je commençais à 14h, il n'y avait déjà plus rien, quoi. C'était le plus à 8h. Et comme j'ai commencé à 14h, bah, il y avait deux personnes sur des poubelles qui criaient, sinon tout était libre. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, le chauffeur de bus, genre quand les gilets jaunes y bloquaient, vous a dit je vous laisse, mais je reviens pas. Je n'étais pas dans le bus. Ah, mais toi, t'as pu rentrer ou pas en bus? Ma mère est venue. Bon, bah ça va. Alors. Donc voilà. Esther, c'est la belle du caddie. Bah, grave en fait. Mais le caddie. Ah, bah, ça a plu, tu vois, ma petite histoire. Oui, il y a une faute par contre, Esther avec un H, s'il vous plaît. E-S-T-H-E-R. Diantre. Diantre. Non, mais stop. Diantre, ah c'était quoi l'autre mot? Saperlipopette. Non, sapristi. Non, saperlipopette. Saperlipopette. Voilà, rip le caddie. On vous le mettra évidemment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Ben, moi, à part avoir été déçu de ne pas avoir eu vraiment de blocus, donc avoir dû aller en cours, il s'est pas passé grand-chose. Hein. J'ai été très bon délégué, parce que je suis délégué. On se demande toujours pourquoi. Mais vraiment, hein, même moi, je me demande qu'est-ce que je fous en tant que délégué, vraiment. Pas grave. Voilà. Surtout, comment on a fait pour voter pour moi, quoi. Je crois que c'est ça le pire. Mais dans 2 semaines, il y a le conseil. Imagine-moi au conseil. Ça va être catastrophique. Tu penses que tu vas te faire défoncer? Ah non, moi non. Les autres, oui. C'est ça qui va être marrant. Tu vas faire un plaisir de leur dire. Je crois que c'est le truc que je vais adorer, les conseils, quand les autres, ils vont se faire défoncer. Surtout que ceux que j'aime pas. Ça va être encore mieux, ça. C'est clair. Vous êtes pas échangé vos 06 avec le caddie? Bah non. T'aurais dû le noter dessus. Ouais, j'aurais... Bah, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui m'aurait appelé, oui. Et après, il y aurait Intermarché, il t'aurait appelé. Alors, bonjour, vous avez volé notre caddie. Non, la faute, c'est caddie avec un X, la belle du caddie. Il y avait la faute avec Esther aussi. Ah, mais je comprends pas, en fait, la belle du caddie, c'est un film. Je sais pas. Non, mais caddie, je crois, c'est à plusieurs orthographes. Parce que caddie avec un E, enfin 2D et un E, je crois que c'est une marque. À la base, je crois que ça s'appelle un chariot. Et caddie, c'est une marque. Il me semble que c'était ça. Du coup, caddie, on a tous appelé ça caddie. Bon, dites-nous ce que c'est la belle du caddie. Moi, je comprends pas. On ne connaît pas. Amener un peu de culture générale à cette émission, voilà, comme c'était... d'habitude. Bon, bah, c'était le moment blabla. Moi, j'ai bien aimé raconter mon histoire. Il s'est passé beaucoup plus de choses que la semaine dernière. Oui, quand ça, même. C'est clair. D'un coup, waouh. Flash info, Hugo. Waouh. Mais le truc. Comment ça, flash info? On m'a parlé d'un flash info, je regarde à quelle musique faut que je coupe parce que je comprends rien à ce qui est affiché sur l'écran, mais bon voilà. Donc... C'est une chanson, la belle du caddie. Flash info. C'est pas du tout le bon. C'est celui-là. Alors déjà, la belle du caddie, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une chanson, mais c'était pas ça que je voulais dire. Bah, flash info, bon, on est en retard. Déception pour tous les Français qui écoutaient Sbazi Radio tout à l'heure. Ils ont annoncé être en avance. Et ils sont finalement en retard. C'était le Flash Info de ce soir. Est-ce que je suis pas un peu lourd ? Tu es lourd. Totalement. Est-ce qu'il serait pas temps de passer au N'oubliez pas les paroles ? Mais juste avant, on va s'écouter... Musique copine de notre belle Aya Nakamura. Oh, et ne faites pas la blague dans les commentaires, je la sens l'avenir. Attendez, je préviens. Vous faites la blague, on vous bloque. Totalement. On est clairement méchants. Le N'oubliez pas les paroles, c'est juste après deux chansons françaises. Deux chansons françaises, une anglaise qui est en plus de Noël. On se met un peu dans l'ambiance de Noël, c'est sympa. Mais tout ça... C'est évidemment... Après copine de Aya Nakamura. Copine, t'es la plus bonne de mes copines. Non. Faut que j'arrête de chanter. Aya Nakamura, copine, c'est juste après. Enfin, merci, c'est juste avant. Et n'oubliez pas les paroles. La trompette. N'oubliez pas les paroles. Oh là là. Le rendez-vous de chaque semaine que tout le monde attend. Bon, blague à papa a été bloquée, 300 secondes, je l'avais prévenu. Je range ma chambre en même temps, tu le sais très bien, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne savais pas mon nom. Est-ce que je répéterai pas les petits points ? Allez, c'est parti, faisons un point sur les points. Très drôle. Alors, Inès qui avait 13 points, donc la gagnante. Bastien, 12 points. Kelly, 10 points. Ensuite, Bérénice qui avait 7 points. Freeway et Sandrine, 6 points, égalité. Léa qui n'est pas là, 5 points. Alice, 2 points. Blague à papa, 3 points. Tom, 26 et Lilith qui ne sont pas là ce soir, avaient 1 point. Alors, blague à papa, 1 point. Parce qu'en réalité, les deux autres points, c'était ceux de mon frère. Donc de Bastien. C'est vrai. Du coup, tu enlèves 2 points. Parce que faut pas tricher. On triche pas ici. Et peut-être, papa, je sais que tu écoutes avec la petite console. On pourra prendre des gens au téléphone pour le N'oubliez pas les paroles. Donc, d'ici, je sais pas, peut-être. Du coup, ça fait peut-être. 14 points à Bastien. Ouais. Voilà. Donc, c'est peut-être. On ne sait pas encore, mais on verra ça. De toute façon, vous spammez blague à papa. Et il y aura le téléphone certainement. Oui, on pourra nos auditeurs fidèles. Comment j'essaye de gratter mes cadeaux de Noël, c'est hallucinant. Donc Kelly, si on l'a, Kelly ou les auditeurs dont on a leur numéro qui sont fidèles, on pourra vous appeler. Et on vous prendra par téléphone. En direct et vous nous entendrez du feu de Dieu. Voilà. Je sais pas si ça marchera très bien, mais ce sera là. Alors tout de suite, on s'écoute la première chanson du N'oubliez pas les paroles. Qui est Jaloux de Dadju. Il y a... Bérénice la connaît par cœur, donc normalement elle a un point. Il y a 8, voire 9 mots, ça dépend si vous comptez les apostrophes. Trouver. Il y a une phrase quoi. C'est maintenant le petit extrait de Dadju Jaloux. Waouh! Voilà, alors ça commence comment? Alors n'oubliez pas de rajouter un point à Béré pour les cookies. Bah non, j'en rajoute pas. Non. Aucun rapport, c'est pas parce que vous faites des cookies que vous allez gagner ou n'oubliez pas les paroles. Il n'y a pas écrit les réponses sur les cookies. J'essaie de nous acheter. Oh là là, c'est dégueulasse ça. C'est honteux. Vous n'y arriverez pas. Alors quels sont les 8-9 mots manquants? À vous de les trouver. On attend vos petites réponses. On attend vos réponses. La chanson, c'est Jaloux de Dadju. Non, oui, oui, mais oui, ben, pour ceux qui n'avaient pas compris, qu'il fallait aller sur les Google, j'allais dire. Sur Google pour trouver les paroles. Évidemment, on sait que vous trichez. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce que... Attention, bah oui, suspense. Mais laisse faire un peu de suspense, Esther. Oups. Tu me déçois. En tout cas, c'est la seule. Décevante. Ah non, il y a... Décevante, Esther. C'était évidemment la bonne réponse. Voilà. Alors on a du Inès qui a trouvé Bastien. Ont-ils triché ? Oui. Oui. Totalement. Bastien du coup avec ça te fait 15. Non Bastien, non, je pense qu'il la connaissait celle-là. D'accord. Bastien, ça te fait 15 points parce que du coup bah, on t'a rajouté 2 par rapport à la dernière séance où c'était blague à papa qui écrivait, mais bon voilà. Et Inès ça fait 14 et du coup Béré 8. Et bon, alors rendez-nous les cookies. Bah non, on les a déjà mangés. Ça va être compliqué. Ils sont dans mon ventre. Voilà. Mien aussi. Dans ceux de toute la famille. Faudrait donc... être gentil pour la console. Donc par exemple, ne pas le bloquer. Ah mais hey, j'ai prévenu. Faut pas faire. Fallait pas faire la blague. C'était la blague de trop. C'est comme le verre de trop. C'est quand on boit trop. Hein, Bastien, la cuite. Mais voilà. Mais oui, je suis gentil. Ne t'inquiète pas, papa. Plein de bisous, bisous. Je veux vraiment gratter le cadeau là. C'est, là ça oui, se voit. Oui, oui. La trompette. Ah, cette trompette, elle est vraiment géniale. Et je l'ai dit, le point de Bérénice, vous êtes sérieux? J'ai dit Béré, 8 points. Ouais. Mais à chaque fois, c'est pas parce que je le dis en dernier qu'elle a, elle a 8 points. Il je faut, lui ai rajouté un point de plus. Il faut écouter les jeunes. Hein. Oh là là. Ah, et il faut ouvrir les oreilles un peu. Après, on dit les jeunes, oui, ils sont là, sur leur smartphone, ils ne s'écoutent plus. Hein, je l'avais dit. C'est dégueulasse. La alors, deuxième chanson, ah, c'est chanson la spéciale Noël. Noël. Oui, il manque 5 mots, c'est Last Christmas de Wham. Voilà, on laisse un gros blanc parce que c'est sympa. Pourquoi hein, parce que je voulais dire un truc et j'ai complètement oublié. Mais à chaque fois, moi, je veux faire... Vas-y, relance la chanson. J'annonce. Vas-y. Il manque 5 mots, c'est Last Christmas de Wham. Qu'est-ce qu'il manque? Attention, la trompette! Hey! Hey! Quelles sont les paroles manquantes? C'est en anglais, il manque 5 mots. C'est pas trop, trop compliqué. Mais on reçoit pas en décalé, Béré, je sais que tu l'as dit en premier, je l'ai dit. On ne reçoit pas en décalé, on reçoit dans l'ordre. On le dit dès que ça s'affiche, de toute façon. Mais ça change rien, la personne qui le dit en premier ou pas, j'ai compté les points à toutes les personnes qui l'ont disent, là. Bah, aux trois premières personnes. Ah, Kelly! Alors, est-ce que Kelly a une bonne réponse? On va attendre. Mais ah, je ne dis rien, j'ai dit elle a, j'ai rien dit. Ouais. Ah. Bon, je compte quand même blague à papa. Oui. Même si en réalité c'est faux. On va vous dire juste après pourquoi on écoute la bonne réponse. Gave you my heart. Alors là, tout le monde l'a trouvé. Je compte tout le monde parce que c'est Noël. Alors, ouais, voilà. C'était I gave avec un A. Mais on vous compte quand même parce que c'est une chanson de Noël. Et à Noël, on fait des cadeaux. Voilà. Parce qu'on est trop gentil. On va remplacer le Père Noël bientôt. On va faire ho ho ho. Enfin bon, vous avez compris. N'oubliez pas, vous pouvez voter pour la spéciale de la semaine prochaine 2010-2011. C'est en haut à droite. On attend vos votes. On fera un point juste à la fin. Kelly a répondu avant la chanson. N'oubliez pas les paroles. Ah non, j'ai répondu. Peut-être qu'elle le reçoit avant, je sais pas. Oui, vous devez avoir. Vous pouvez décalage. Faire plus de chansons en anglais parce que Dadju, c'est pas ma spécialité MDR. Oui, mais le problème, c'est qu'après, les chansons anglaises, c'est pas la spécialité des autres. Voilà, exactement. Donc bon, alors moi, je vais vous récapituler les points. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle s'est couchée tard hier, non? Pas du tout. Alors, Bastien, 16 points. Inès, 15 points. Blague à papa, 2 points. Chaton, 1 point. Béré, 9 points. Et Kelly, 11 points. Voilà. Non, les gens, on dit give. Je suis là. Non, c'est pas give, c'est gave. Gave avec un A. Non, c'est I gave you my heart parce qu'il parle de Last Christmas. Désolé, bye bye. Voilà. Bref, je mangeais toute seule. Totalement, attention, on la monte un peu. C'est bien ces petites chansons de Noël. Oui, grave. C'est de la triche, c'est un scandale. Non, ce non n'est pas parce un que c'est Gave le bon truc. Ouais, mais on vous donc compte c'est... Give. Je te compte Give, Kelly, mais c'est toi qui as faux. Non, tu... non, et elle avait écrit Gave, je crois. Bah, si elle dit c'est moi qui a raison, c'est qu'elle a écrit Give. Elle a... Non, elle avait ah juste, oui, elle c'est Gave. Juste qu'on a compté Give pour les mais autres. Pourquoi mais c'est Noël, on fait des cadeaux. Ah oui, elle a juste trompé. Il a dit non, les gens qui ont dit Give. Ah en oui, vote, c'est pas bon. On a lu la moitié du message aussi. Et oui. Bref, on est un peu teubé. Non, mais on compte parce que on a dit on comptait parce que c'est Noël. Et la trompette, elle est où? Alors là, on s'écoute. Il y a 5-6 mois à trouver. On l'a écouté Clément, la semaine dernière en 2-2. Ah oui, c'est vrai, on vous l'a passé la semaine dernière. Donc, ouais. Bon, donc vous connaissez, c'est... vous connaissez pas, ça dépend. Voilà, c'est tout oublié de Angèle. Il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. Ah, alors, qu'est-ce qu'il manque? Il manque 5-6 mots. Il manque 5-6 mots, ouais, parce que ça dépend si vous comptez les apostrophes, tout ça. Voilà. On attend vos réponses, Angèle, tout oublié. N'oubliez pas de voter, évidemment, dans le sondage en droite. Et j'ai oublié de dire un truc. On va peut-être faire un truc. J'ai eu une petite idée, pour une fois que j'ai une idée intelligente et sympa. Pour la spéciale Noël, on compte s'offrir un cadeau avec Esther. Oui. Un cadeau débile ou un cadeau bien, qui coûte pas trop cher, parce que je suis pas riche. Et parce qu'on est un peu radin aussi. Et on compte se l'offrir et on le déballera en direct avec vous. Voilà. Donc on ne saura pas ce que chacun s'est offert. Donc je ne saurai pas ce que Esther m'aura offert. Voilà. Et elle ne saura pas ce que je lui ai offert. Exact. Donc et on déballera ça en direct. Bah, évidemment. On vous montrera ça sur Insta, sur Twitter. Les petits réseaux, on vous le montrera en photo. Comme ça, quoi. Ce sera marrant, vous aurez juste la réaction en audio au début. Ouais, et comme voilà. Ça, vous pourrez vous imaginer le cadeau qui sera nul ou pas nul. Alors, Chaton, Bastien et Inès, je vous compte qu'à vous quatre les points. Oh, oh, oh. Parce que c'était la bonne réponse qu'on écoute. Allez. Tout de suite. Oh, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué. Yes. Yes. Bonsoir. Non, on va pas le refaire. Non. On va pas refaire Bonsoir Paris, hein, ça va. Quoique. Bonsoir Paris. Yes. Je sais trop mal le faire. Bravo. Bon, bah, ils étaient bons ce soir. Hein. Oui. J'ai hâte de le faire si avec il y a le téléphone. Mais je l'ai dit, Béré, vous écoutez pas. J'ai dit Chaton, Bérénice, Bastien, Inès, je vous compte à tous les quatre. Mais ils se foutent de ma gueule. J'ai envie de dire que oui. De moi, parce que à chaque fois je le dis. Hein. Ouh là là, ça va gueuler à la maison. Oh là là, mais je l'ai dit, je vous compte tous les quatre. Êtes-vous débile ou quoi? Êtes-vous débile ou quoi? Bon, c'était Angèle tout oublié, mais n'oubliez pas les paroles. De quoi? N'oubliez pas les paroles. Ah d'accord, oublié, la petite blague. Pas tout oublié non plus. Et n'oubliez pas les paroles. Il y a quoi? Il y a la trompette. J'ai oublié de baisser le son. Je contrôle plus. Voilà pourquoi il faut une console. Parce qu'avec la souris, c'est un peu compliqué. Elle a répondu en deuxième. Mais et alors? Bon, écoutez. Papa, tu vois que c'est grave. Cette console, il la faut pour qu'on ait le téléphone. Parce que quand tu auras le téléphone, il n'y aura plus de première, deuxième ou quoi. Une seule personne qui jouera. Vous pourrez jouer dans les commentaires, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà pourquoi ça a planté. On réécoutera. Mais attends, ça a planté. Ça a planté quand j'ai dit ça. Ah bah voilà. Bon bah ça reprend, c'est bon, pas. Bon, il y a une coupure, désolé, mais peut-être que ça. Non mais elle était courte en plus. Oui, ça a planté peut-être quand j'ai dit Béré, c'est peut-être pour ça, non, je sais pas. C'est Béré, elle casse tout. Béré, elle casse tout. Et même quand elle est pas là, elle casse tout. Alors, vous bon, êtes parti, on écoutera... non, on est de retour. Vous êtes parti, non, il y a une coupure, désolé. En tout cas, on réécoutera le replay à la maison et vous verrez que j'ai dit Béré. Les deux fois où vous me l'avez dit que je l'ai pas dit, je l'ai dit. Elle fait son petit coup de gueule, c'est parti. Ah oui, ça va être mon coup de gueule la semaine prochaine. Non. D'ailleurs, avant qu'on se quitte, allez voter une dernière fois dans le petit. Ah, même oui, ceux qui font leur devoir, ceux qui parlent pas et qui écoutent. Allez écouter, allez voter dans le petit en haut à gauche. Est-ce qu'on refait pas une dernière petite... ben, on leur fait écouter ce qu'on aura. Pour les années 2010, on aura Mr. Saxobit de Alexandra Stan. C'est deux exemples, hein, j'en ai mis que deux. On en aura évidemment Saxobit. Plus des musiques. En 2010, on aura ça. On aura aussi ça. Ouais. Yes. Ça débarre. En 2011, on aura... Ah putain, mais ça coupe encore. Libéré, délivré. Non, ça c'était en 2013, libéré, délivré. Oh, mais Béré, t'as compris. Oh là là, la blague libérée des... D'accord. Je vais pas le bloquer parce que je veux mon cadeau de Noël. Mais non, rigole. C'est nous qui avons plus de batterie sur notre enceinte. Non, mais ça a coupé aussi. On le voit quand ça coupe. Donc, en 2000, voilà. Oh, ça va. Oula, en 2011, on aura ça aussi. Hey, ne pas aller. Mais en vrai, les blagues à papa, il était des jeux de mots. Ben genre, c'est comme McFly dans McFly et Carlito. Je sais pas si t'as vu la compil. C'est son pseudo. Non, je n'ai pas regardé. Ben voilà, c'est un peu le même genre d'humour. Ben voilà. Voilà. Et bon, attends, va... et pour la dernière de 2011, on aura aussi ça. C'est les petits exemples qu'on vous a mis ce soir. On a fait un petit effort. On a quand même plus préparé. Clap. tout le monde. Ouais, ouais, ouais. On veut une ambiance dans le studio, on est deux. On est beaucoup trop chaud. On est beaucoup trop chaud. Voilà. Voilà quelques musiques qu'il pourrait y avoir. N'hésitez pas à voter encore, encore et encore. Et oui, et dès qu'on quitte cette émission, dès qu'on dit c'est fini, qu'il y a le jingle de fin, vous allez tout de suite vous abonner à nos réseaux sociaux. Et ne perdez pas une seconde. Et vous saurez quelle est l'année gagnante. Voilà. Pour l'instant, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est 2010. Voilà. Ça va être. J'ai bloqué, je sais pas pourquoi. Ben, je pense qu'on a notre petit. Ça, d'ailleurs, c'était pas du tout pareil que sur. Si, est-ce que sur Twitter c'était pareil? Ouais, c'est la tendance et c'est pareil sur Instagram aussi. On avait fait un petit sondage d'abord pour savoir un peu laquelle elle arrive en première ou pas. Et c'était, la tendance était 2010 aussi. Ouais. Voilà. Donc, attends, on vous laisse le temps de revoter encore quelques fois. Il y a un peu le temps. Ah, Bastien, il est passé. J'allais dire, il est passé où, mais je suis bête. Bastien, oh, Bastien, viens faire le coucou à Bastien de la fin de l'émission. Si tu écoutes, viens. Bastien, il doit faire le coucou de fin. Voilà. Donc. Appel à Bastien. Mesdames, messieurs, Bastien vient, est recherché. Je vais dire que Hugo, il va mettre sur Spotify et sur Google Podcast le petit replay de cette émission. Donc, allez voir parce que c'est cool. Parce que vous pouvez rester sur votre tel en attendant. Voilà, il sera dispo. Comme quand vous êtes en appel ou FaceTime, vous pouvez être sur d'autres applications en même voilà. temps. Et c'est gratuit. C'est super. Oui, c'est gratuit, même si vous n'avez pas Spotify Premium. Voilà, vous totalement. Pouvez écouter. Et vous cherchez Sbazi Radio dans la barre de recherche et c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, ce sera dispo dans la nuit. Donc après, vous pouvez réécouter. Il y a même la deuxième émission la qui est. Train, voilà, ou dans la voiture, ou sur le vélo, ou encore sur le scooter, voire même dans l'avion ou le bateau. Mais il y a aussi le tram et le métro. Oh là là, voilà. On s'adapte à tout. Allez, voilà, on a Bastien Nounet qui débarque. Bastien, viens voir. Il est là, Bastien. Il bonsoir est avec vous. Monde. Bonsoir Paris. Voilà, Bastien, c'est Bastien. T'es content de faire ton petit coucou maintenant à la fin? Ah ben alors, oui. Alors il est là le micro. Ah il est... ben, ça va, excuse-moi. Le petit coucou du soir, toujours. Hein. Voilà, il n'a pas de jingle, Bastien. Bastien, non, quel a été que... ton moment préféré de l'émission? Ah, voilà. Ah, oui. Oula. Ah, quand t'as raconté l'histoire avec ton caddie, là, ça m'a fait rire. Ah, bon, bah, ah super. C'était mignon avec la ouais, ça m'a fait rire. J'étais en train de fermer, j'étais pas concentré du coup. Est-ce que t'as entendu quand on chantait ou pas en début d'émission? Non, pas en début d'émission. Parce que tu réécouteras lundi matin. Ouais, ça va. Matin dans le bus ou dans la. Bah oui, non, je suis content à pied. Je ne prends pas le bus, je suis à pied. Dans tes écouteurs. Voilà, exactement. À pied. Exactement. Voilà. Ou alors tu prends un petit vélo. Non. Ou alors je sèche les cours et j'écoute Sbazi Radio à la place. Voilà. Oui, à la limite. Ou alors tu écoutes Sbazi Radio en cours. Ah, ça c'est une bonne idée. Et ça, devant toute la classe, je le mets. Voilà. Ça nous fera des auditeurs. Je le mets sur le tableau et comme ça fera venir du. Merci d'être venu nous voir, mon petit. Et bien de rien. Ah, mais vous avez une voix similaire. Ouais. Sorti hier encore. Qui ça? Moi et Esther, on a une voix similaire? Non, ça va, je rigole. Non, t'es sorti hier soir? Ouais, mais pas trop tard. Parce que ce matin, je devais arbitrer à saucer les pains. Ouais. Donc, fallait que je me lève. Donc, j'étais fatigué. Donc, voilà. Fallait saucer les pains. Exactement. C'est une blague nulle que tout le monde fait. Du chien de ton père. Non, mais là, c'est vraiment bas de gamme la blague. Voilà, bon ben c'était content de faire le petit coucou. Ben oui, je suis très content moi. Tu viendras tout le temps dès que t'es là. Par contre, fais-moi une jingle parce que ça va plus du tout là. C'est vrai. Ben ce sera toi qui parleras, tu passes le coucou, c'est ouais. Le quoi? C'est le coucou de Bastien. non, ça c'est trop. Tu me diras. Je veux un beau jingle. Oui, ben il faudra le faire avec oh, toi. Là, bah ouais, ouais, ça va. Voilà, on le fera ensemble, mon petit loulou. Pour montrer qu'on est des frères unis. Très unis, ouais. Et il est malade. Ouais, je suis malade, excusez-moi. Il va me rendre malade. Voilà. Bon. Bon, l'année 2010 arrive en première position. Donc, la semaine prochaine, c'est une spéciale. Année 80. Une spéciale 2010. Non, année spéciale 2010. Donc, il y aura du Section d'Assaut, du Alexandre Astan avec Mr. Sax. Bon, bref. Vous avez compris. On se retrouve la semaine prochaine pour la spéciale 2010. Il y aura la spéciale Noël le 16 décembre et la spéciale Jour de l'An le 30 janvier. Le 30 décembre. 30 décembre, pas janvier. On t'engueule. Et on invitera Alice, je crois, on avait dit. Sûrement. On essaiera. J'ai même pas. Qui est notre j'ai même on pas verra. Parlé, on verra. Si, moi je lui avais dit. Ah, bah, donc on verra. On verra, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Voilà, on se retrouve. N'hésitez pas. Enfin, allez nous suivre sur Twitter. Et est-ce que tu nous suis sur Twitter et Insta, Bastien? Que sur Insta. Oh. Je non, ne me sers pas de Twitter. T'auras pas ton jingle. Ah oui, non, si tu te sers pas de Twitter, ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les replays sont très bientôt disponibles. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure. Ouais. Vas-y Radio de retour dimanche prochain à 18h sur hashtag.